Hey, ils font ça en laboratoire. Tu parles de ta matière grise? Ça fait longtemps qu'il n'y a pas eu de production. Aujourd'hui, le lundi 15 juin 2020, monte le volume et hume la différence, car c'est parti, mon kiki. Enregistré au studio des Abeilles dans la vieille capitale et diffusé sur CKRL le 89.1 à Québec, la plus vieille radio communautaire francophone au monde vous propose Errance Rénadienne, une émission baroque et désinvolte. Et voici la bain-fumineuse, le farfadet du surréalisme, le clown le plus imprévisible dans le cercle médiatique actuel, Reynald Gagné! 13 minutes, c'est un code. Qu'est-ce que ça veut dire? Ben là, si vous n'êtes pas membre de CKRL, je peux pas vous en parler. Ben on est membre, on est membre, on est membre! Alors, mon introduction ne durera que 13 minutes pour laisser la place à mon invité de s'exprimer. Donc, nous allons entrer dans le vif du sujet. Ah oh, non! Pas de couteau, pas de cuillère! Non, uniquement le cure-dent. Ah, ça peut être long, là. Tu veux qu'on passe de rien vers quelque chose en creusant avec un cure-dent? Quelle sorte de cure-dent? C'est vrai qu'il y en a, il y en a, il y en a pour les fins puis les flous. Laissez-moi vous dire une affaire. Quand j'ai voulu me procurer ma brosse à dents, vous allez dire ça n'a rien à voir. Oui, oui, oui, il y a un lien. Faites-vous. Tout va bien aller. Je vous conseille là, de vous placer dans votre fauteuil préféré. Je m'en vais à la pharmacie me procurer une brosse à dents. C'est simple, là. Pas plus compliqué que ça, tu sais. Ça fait quel an j'essaye de trouver la rangée des brosses à dents. Je demande à une préposée, on me l'indique, et là, je suis face à face. Non pas devant une brosse à dents, mais devant un monde. J'ai jamais vu autant de brosses à dents de ma vie. Et là, il y en avait des petites, des longues, des grosses, des dures, des molles, des soupes, des semi-soupes, des très soupes. Fait que là, je me retourne. J'avais mal à la tête, ça tournait. Je voulais perdre sa connaissance. Mais il m'en manquait un peu. J'étais rendu à 99 connaissances. T'sais, sans connaissances, faut avoir vécu longtemps, là. Pas grand monde qui ont sans connaissances aujourd'hui. En moyenne, c'est quoi? 70, 72 quand t'es dans une normalité un peu cinglée. Sinon, ben, pour les plus fanfarons, ben, eux autres, c'est 2-3 000. T'sais, ils sont pas trop conscients. Ben oui, calme-toi, là. Calme-toi, prends ta posiologie, puis attends que ça passe. Sinon, ben, calme-toi, prends ta posiologie, puis attends d'arriver à la toute fin. Mais là, à la toute fin du délire, là, c'est ça que je veux dire. Et quoi que le délire peut durer une vie entière. Ça fait que là, je me retrouve, là, puis là, j'avais mal à... Le mal, là, qui... Puis je me suis dit, sans trop... Tu sais, j'avais pas de stress, c'est ta pharmacie. Ils vont me tirer de la médication dans la mouche. Mais il faudrait peut-être que je fasse semblant de perdre connaissance. Parce que, oui, j'étais stressé devant autant de brosses à dents, mais en même temps, un peu comme devant un ours, si je fais le mort, on va m'aider. Puis comme c'est juste 5 clients dans la pharmacie, à cause d'un phénomène sociétal, mondial, là, le monde, Seigneur, juste 5 à la fois. Fait que là, oh, tu te fais suivre là, quand tu traînes trop longtemps dans un département. Fait que là, je me sentais un peu hors de moi. Et sur le gros stress, là, pour me dire, hey, il faut que je me choisisse une brosse à dents en moins de une minute. Mais j'ai tellement de choix. J'allais simplement me procurer un objet quotidien. C'est pas compliqué, cela. Ça ne demande pas la tête à Papineau. J'ai des nouvelles à reviser son butin avant d'entrer en onde. Pas de nouveau, rien que du vieux, ça va toujours aussi bien dans le monde. Aujourd'hui c'est un homicide à coups de machette. Demain ce sera un robineux qui meurt de fret. Hey, donnez-moi un break avant que je meure de rire. Ça prend pas la tête à Papineau pour se rendre compte qu'on manque le métro. Il y a des nouvelles annoncées en primeur pendant son bulletin. Signe pas d'accord sur l'environnement, ont déclaré les Américains. Même si la Terre est devenue une cour à scrap, qu'avant longtemps on va être rayé de la map. Hey, donnez-moi un break avant que je meure de rire. Prends pas la tête à Papineau pour se rendre compte qu'on manque le métro. J'ai des nouvelles apprises par son chum de la section des sports. Un joueur de baseball vient de signer un contrat pour 1 milliard. Un athlète fait 100 fois le salaire d'un médecin. Je me dis que c'est ça le déclin de l'empire américain. Hey, donnez-moi un break avant que je meure de rire. Prends pas la tête à Papineau pour se rendre compte qu'on manque le métro. Je vois des nouvelles annoncées en primeur spectaculaire. La chanteuse conne se serait mariée en cachette avant-hier. Pendant qu'il se brasse la marde partout sur la planète, les gens aiment bien mieux les petits potins du jet set. Hey, donnez-moi un break avant que je meure de rire. Prends pas la tête à Papineau pour se rendre compte qu'on manque le métro. Après la fin du show, sans saluer ni regarder ses collègues sur le plateau. Descendu sur le quai de la station Frontenac, il s'est garroché au beau milieu de la traque. On a entendu le métro, il s'est mis à rire. Le lendemain, les journaux ont affirmé qu'ils ont retrouvé sa tête à Papineau. Une expression d'ici, la tête à Papineau. Connais-tu ça, la tête à Papineau? Eh, mais ça me touffe, ça n'a rien à voir. Quoique, ça a un petit rapport avec Albert Charlebois. Je suis sûr qu'ils ont le même coiffeur, eux autres. Eh, Papineau avait une chevelure. Une chevelure si imposante que pour passer dans la porte ou dans les portes, on devait ouvrir ou défoncer le cadre. Passez pas! Fait que là, je suis toujours devant mes brosses à dents. Je sais pas quoi choisir, tu sais, sur le gros nerf, là, tout le monde nous regarde. On va voir la demoiselle. Je dis, demoiselle, ça va pas très bien. Oui, vous avez. Oh, j'ai besoin uniquement qu'un item. et tout simplement d'un item. Et là, je suis devant des affaires. Je savais même pas que ça existait. Celle qui tourne. Je veux pas aller chez le dentiste, je veux une brosse à dents pour éviter d'y aller. Comme en Chine. Sais-tu ce qui se passe en Chine? Quand tu vas voir le médecin puis que tu es en pleine santé, tu payes pas. Quand tu es malade, tu commences à payer. Pas fou, ça, là. Fait qu'à brosse à dents, j'ai dit, moi, c'est pour éviter d'aller voir le dentiste. Non, pas parce que j'ai peur du dentiste. Des piqûres, tu sais, des piqûres. On va vous piquer dans le palais. Ça fait mal. Juste à le dire. On va vous piquer dans le palais. Ça va picoter légèrement. Alors là, légèrement, dépendant du deuil de tolérance. Du deuil, oui, du seuil. Le deuil, ah, badou. Tuez-moi. Hein? Faites ce que vous avez à faire, puis ramenez-moi à la vie. Parce que, oh, bon, tout Seigneur, allez chez Notice. Oui, ça me fait bégayer, moi, ce monde-là. Ah oui, puis en plus, je sais pas, c'est comme des bouchers, hein, sont habillés en blanc. Je leur demanderais, là, pour relaxer un peu le citoyen, là, celui qui va se faire extraire ou plomber ou je sais pas quoi. Habillez-vous en civil. Là, en civil, là, si toi, t'es dans la version YMCA, habille-toi en policier. Puis... Quoi qu'il y a eu une histoire entre Ticunado, c'était pas très, très clair, son histoire, lui, là. Il y avait des... Bon, il commettait des petits crimes, mais pas des gros, là, des petits. Bon, pour glisser ça dans les poches, là, tu sais, des petits crimes de rien. Fait que là, il s'en va chez le dentiste. C'est toujours la préposée qui vient chercher. C'est pas le dentiste, lui, c'est le showman, là. C'est celui qui va te faire le spectacle. Fait qu'il se présente pas devant son... c'est pas un citoyen devant... Ben, on est des citoyens, oui, mais... Devant son... devant le patient, c'est ça. Il demande à son bras droit, ou normalement c'est une fille, d'aller chercher le patient, de l'installer, tu sais, voulez-vous une couverture, deux oreillers? Avez-vous chaud? Avez-vous froid? De l'eau, du jus, du gin, du gros gin, du petit gin, du vin de messe, histoire de rendre plus catholique l'événement que vous allez vivre, qui risque de vous faire mal autant à la bouche qu'au portefeuille. Hey, tu sais, elle te sécurise avant. Puis là, t'arrives, t'es installé, puis t'attends. Tu regardes partout. Ah, il y a des certificats. Ah ouais, il a été étudié la dentisterie en Australie. Ah ouais, c'est impressionnant. Hein, aux États-Unis. Hein, mais voyons, non. Moi, je dis que s'il va là, les cours sont plus allégés. Au Québec, là, hey, on fait attention. On est très strict. On fait pas passer n'importe qui. J'avais entendu, moi, un dentiste me dire « Morinal, si t'es un gars de radio, j'aimerais que tu amènes cette vérité-là. C'est que quand tu t'en vas pour étudier afin d'être dentiste, on te donne un savon. » Oh! Innocemment, tu sais, parce que moi, j'étais brillant, mais je peux avoir des moments d'innocenterie. J'ai dit, comment ça, vous n'avez pas une hygiène buccale intéressante? Il dit, c'est pas ça. Ils veulent que tu fasses une dent dans un savon. Il dit, mais voyons donc. Ah oui, pour savoir si tu as la capacité à reproduire une dent. Puis voyons donc. Ça n'a pas de bon sens. Ben oui, t'es pas bon à faire une dent avec un savon. Va-t'en travailler ailleurs. Oh, Les errances rénadiennes présentent plusieurs routes pour nous et entre nous. Les sons sur la chaussée, les valises trop lourdes, les problèmes liés au boulot et au ciboulot, confions la boussole aux gestionnaires de nos entreprises en manque de direction. Oublions les embarras familiaux, l'école, bref, apaisons la dure réalité qui attaque notre quotidien. Et pour nous envelopper dans un enchantement narratif, unissons-nous autour de mon amie Marjolaine Piémont. Alors, Marjolaine Piémont, c'est à toi. À quoi ça sert d'avoir des mains si personne ne les baise? À quoi ça sert d'avoir des seins si seulement ils pèsent? Pourquoi mettre une robe si personne ne me l'enlève? Pourquoi perdre du poids si aucun bras ne me soulève? À quoi ça sert d'avoir un cœur qu'aucune flèche ne transperce? Pourquoi ma peau si douce sans caresse? Pourquoi porter un corset si personne ne m'en délivre? À quoi sert mon parfum si jamais on est si enivre? À quoi ça sert? Pourquoi ça sert? Pourquoi ça sert ma gorge, ces enfants qu'on embrasse? Pourquoi ça la sert mon cœur, ces amoureux qui s'enlacent? À quoi sert mon rouge à lèvres si personne ne le mange? Pourquoi toutes ces crèmes contre la peau d'orange? Je marche dans les rues, personne ne me renverse. Pourquoi toutes ces larmes si jamais on ne me bouleverse? À quoi ça sert? Pourquoi ça sert? Pourquoi ça sert ma gorge, ces enfants qu'on embrasse? À quoi ça la sert mon cœur, ces amoureux qui s'enlacent? À quoi sert cette épaule si personne n'y pose sa tête? Tout ce monde au balcon, jamais on ne s'y arrête. Pourquoi ça sert ma gorge, ces enfants qu'on embrasse? Pourquoi ça la sert mon cœur, ces amoureux qui s'enlacent? À quoi ça sert? Ça sert. Ça sert. J'étais pas sûre. Ben oui. Étais-tu à l'intérieur ou... Peut-être, hein. On va cuire sinon. Où étais-tu? En fait, je suis passée par là, puis j'étais pas sûre de... Je me rappelais plus si c'était plutôt de blanche ou de... OK. Puis je regardais si j'avais ton numéro, mais je l'avais pas dans mon cellulaire, donc je pouvais pas. Ah mais ben voilà. Quoi, restes-tu d'avoir chaud ici, non? Ah oui? Bon, on se mettre à l'intérieur, non, c'est pas mieux? Ben, pour... Tu préfères? Ben, si t'as chaud... Ouais, non. Ben, ici? Faire, là? Ben ouais. D'accord. Ok. Tu crois qu'il n'y aura pas trop de... Non. Non, non tout va bien. Oh, oui. Parce que j'avais fixé, mais... Quoi que ici, c'est peut-être la même chose. Hein. Ouais. C'est juste que je vais me mettre Place-toi à l'ombre. Je vais me mettre à l'ombre. Oui, ben oui. Non, non, et puis c'est... Sinon, ça va? Ça va bien, toi? Excellent, tu m'as oui. Fait le bisou? Ben oui. Je viens tout juste d'arriver. Ah bon? Ben oui. C'est vrai? Ben oui, je viens tout juste d'arriver à Paris. Ben oui, ça fait ça, ben, ça, ça doit faire presque 2 heures. Là. Ben oui, je suis parti de Québec la nuit dernière. Ah bon? Ben oui. Oh là là! Ben oui, je t'ai dit, je t'ai envoyé un message en disant que tu étais ma première invitée. Oh là là, et eh ben dis donc. Ah ben oui. Je suis contente. Alors j'ai laissé un message à Papillon Paravel. Ok, oui. Il l'a reçu. Attends, je vais te dire ce qu'il m'a dit. Ok. Je lui ai donné ton nom, okay. Ton numéro de téléphone. Ok. « c'est la course. Mais non, mais c'est quand même bien que les liens se fassent, parce que moi, je le connais depuis bien longtemps. Hein. J'écoutais ses albums parce que c'est un type qui roule depuis à peu près 15 ans, facilement. Ah oui, facilement. Puis c'est un auteur, voilà. Compositeur, interprète important. Oui. En fait, je lui ai laissé un message sur portable et je lui ai dit « Coucou toi, comme je te le disais sur mon message, voici le contact de Reynald, journaliste canadien qui aimerait t'interviewer. » OK. Et donc, je lui ai mis « OK. Merci beaucoup, Marjolaine. J'espère te voir bientôt et que les choses roulent bien pour toi. Des bisous. » Donc, il l'a reçu. OK. Alors, donc, il t'avait encore contacté. Parfait. Non, ben là, tu lui as envoyé hier ou avant-hier. Bon, ben, on va laisser les choses aller. Puis, sinon, toi, ça va? Ça va. Je suis fatiguée, mais ça va. Oui. Mais il y a plein de choses qui se sont passées depuis ton premier opus, ton premier album. Oui. Je l'ai diffusé, il y a eu beaucoup d'intérêt parce que... Ah oui? Ben en fait, il y a des doubles sens. Il y a un texte assez intéressant, Merci. Assez croustillant. Mais c'est après plusieurs écoutes. On voit qu'il y a beaucoup de travail. Puis j'ai remarqué les vidéoclips aussi. Donc, oui, je me marre bien. Mais en plus, c'est un vidéo, celui que j'ai vu sur la plage, avec un seul plan, un plan séquence. Oui, et d'ailleurs, c'est Papillon Paravel. Ben oui, ben voilà, mais c'est de là que j'ai réagi. Ah oui, ben d'accord. Oui, c'est là que j'ai réagi quand j'ai vu le générique. J'ai même plus pensé parce qu'au départ, je me suis dit, il a dû me voir parce que non. On a fait une fête avec Papillon et on avait descendu 2 bouteilles de rhum dans la soirée. Oui, OK. Et on était 3-4. C'est quand même très fort, hein? C'est 40 degrés. Là. Et donc, j'ai fait une photo et je... Ah non, ça, je n'ai pas vu la photo. Ah oui, d'accord. Non, mais c'était il y a très longtemps, je me suis dit, oh, peut-être qu'il a vu cette photo. Non, non, non. La seule chose que j'ai vue, c'est le vidéo, mais c'est le générique. Et là, j'ai fait des liens. J'ai dit, ah, ben voyons. Je ne croyais pas qu'il faisait qu'il réalisait des vidéos. Je ne croyais pas qu'il était réalisateur de vidéoclips. Oui. Mais je savais qu'il était musicien, qu'il écrivait pour d'autres. Il est aussi graphiste. Et ça, je ne savais pas. Et c'est lui qui a fait mon logo. Quand tu vois sur la pochette. OK, ouais. Je suis en train de me dire, j'ai même. Est-ce que tu as mon album? Ben oui, ben j'ai le. Tu l'as, hein? Ben celui, il y a un peu, puis il y a l'autre, là. Ouais. Oui, tu oui, as les oui. deux. Oui, je l'ai. Parce oui. que j'étais en train de me dire, je suis partie. Non, non, je l'ai. En fait, je t'explique, c'est que oui. je pars après-demain à Avignon. Ah oui, oui. Et oui. j'étais à l'imprimerie en train de faire des t-shirts juste là. La personne, j'avais rendez-vous avec lui à 12h30. Il est arrivé à 13h45 et je lui dis, j'ai pas vraiment beaucoup de temps. Il faut qu'en une demi-heure ce soit fait, donc j'ai speedé. Mais c'était ici dans le coin? Dans le 17e. Ah ouais, c'est quand même, ouais. Ouais, j'ai vraiment speedé. Ah ouais, mais en tout cas... Je suis partie... Mais Avignon, tu vas présenter quoi, ton album? Tu vas présenter... Oui, tout l'album. Alors, bonjour, je vais prendre un pernier rondelle, s'il vous plaît. Okay. Moi, je vais prendre un jus d'orange, s'il vous plaît. Oui, merci. Donc, comment ça tu vas faire ça à Avignon? Parce que c'est la foire où tout le monde, tous les acteurs vont... C'est génial. Hein. C'est génial, mais en même temps, c'est beaucoup. Hein? Oui, mais j'ai la chance d'être talent Adami. Tu vois ce que c'est, talent Adami? En fait, tu vois ce que c'est que l'Adami? Oui. Donc, l'Adami, en France, choisit 5 artistes par an pour les produire à Avignon. Et donc, ils m'ont choisi. Ils ont choisi 5 personnes. Ils ont choisi Buridan, ouais. Gatica, Gavroche, Laurent Lamarca et moi. Gavroche? Gavroche. Ah, OK. Parce que je connais Gavroche. Ah. Tu connais pas le chanteur Gavroche? Non. Ah. Donc, c'est quoi? Tu présentes un folio et de là, ils vont vérifier ton dossier puis ils vont écouter ce que tu fais? Non. C'est... Donc, c'est 5 artistes. Et en fait, les 5 artistes, ils sont présentés à l'Adami par des structures, des théâtres qui ont pignon sur rue sur la chanson française. Okay. Et moi, j'ai été présentée par 2 théâtres. Ils ont dit, ben nous, on aime bien tel artiste, tel artiste, tel artiste. L'Adami a dit, d'accord, on va aller les voir. Donc, ils sont venus me voir plusieurs fois sur scène. Est-ce que tu le savais? Oui, oui. Je sais. Yes. Oui, mais toujours quand il y a des professionnels. Oh, oui, oui. En fait, même le public, parce que... Au départ, j'étais vraiment, quand je me suis dit, il y a des professionnels, je flippais. Ben oui, ben oui. Et finalement, c'est le public le très important aussi. Ben, c'est eux qui payent, hein? Donc, les autres sont juste là pour observer, surtout la réaction du public. Oui. Ils sont là pour constater, mais pour voir la réaction entre toi et le public. Et c'est ça aussi l'intérêt de ces gens-là. C'est pas non plus juger sur leur connaissance ou sur leur préférence, mais c'est vraiment le rapport qui peut se passer dans une salle. Ouais. Et puis, tu as été surprise ou tu croyais vraiment l'avoir? Non, non, parce que jusqu'au dernier moment, j'ai rappelé le théâtre en disant, mais est-ce que... ah, je peux rien te dire, Marjolaine, tu sais, on va décider ça en interne. Okay. Et le 22 novembre, j'attendais fébrilement et il se trouve que j'étais à un concert d'un artiste que j'adore qui s'appelle Alexis Hachka. Oui, oh, incroyable. Et juste après, il se trouve que lui, la personne du Train Théâtre de la Dami, débriefé dans un autre théâtre, mais on s'est retrouvés en fait à l'after de ce spectacle-là. Et on s'est vu, il m'a dit « c'est bon, tu l'as ». Oh, c'était pas au téléphone, c'était en direct. Ouais. Ah, c'est vraiment bien. Alors, il y a eu une progression depuis le début. Quand on s'est rencontrés l'année dernière, tu étais vraiment... tu présentais ton album, tu savais pas l'accueil, tu voulais te placer sur scène. Alors, le travail s'est fait durant les 12 mois qui ont précédé notre qui ont suivi notre rencontre. En fait, j'ai eu la chance d'être... De pouvoir jouer mes chansons beaucoup et de pouvoir montrer mon travail. Et j'ai la chance que des gens du coup en parlent et que d'autres personnes viennent et que des gens, ah, ok, je la programme. Et donc j'ai commencé à vraiment tisser une toile. J'ai travaillé avec Mathilde Masson sur la diffusion. Ouais. Et j'ai aussi eu une aide incroyable d'un garçon qui s'appelle Jean-Michel Mouron qui m'a vraiment filé un coup de main. Et c'était... voilà, et tout ça s'est fait. Par exemple, la Dami, je dois une fière chandelle à Jean-Michel Mouron. OK. Qui a beaucoup œuvré pour justement faire parler de mon projet. Tu croyais en toi, tu croyais en tes textes, en tes chansons. Mais est-ce que tu croyais voir ça aussi rapide comme aboutissement? Ou si c'est le travail acharné que tu mets de l'avant depuis autant d'années qui porte fruit? On m'avait dit que ce serait très long. J'ai pas trouvé ça très long, moi. Mais non, très rapide. Très rapide. Ouais. Combien de temps? Même pas 2 ans, si on prend... Ben, en fait, j'ai fin 2016, je sors le premier EP. Oui. Et novembre 2009, donc ouais. 3 ans après, ouais. je sais que je fais... 3 mois... 2018, novembre 2018, 2 ans après, je sais que je fais la Dami Avignon en juillet. OK. Hey, ça, c'est pas mal. Et là, comment tu vas faire pour te rendre là si tu es épuisé? Est-ce que c'est le public qui va te motiver? J'espère. OK. Et là, ça, c'est 2 mois, là? C'est 1 mois et demi, 2 mois de... Alors, 1 mois. C'est-à-dire que je pars, je pars lundi. Oui. On a les répétitions le 2 et le 3, la générale le 4 et la première le 5. Et ton spectacle, c'est l'après-midi ou le soir? À 16h30. Okay. C'est parfait. Oui. Je suis très contente de l'horaire, c'est super. Merci. Il faut surtout aller voir d'autres spectacles après et avant. Avant. Et puis, j'aurai mon enfant, donc profitez aussi de lui. Oui. Ah, tu l'amènes avec toi? Oui, j'ai pas de solution de garde. OK. J'ai mon homme aussi, okay. Donc voilà, on va... Alors, tout le monde monte à Avignon. Et voilà, pour j'emmène la famille. Mais pour ton compagnon, c'est des vacances aussi? Pas vraiment? Non. OK. Mais est-ce que tu as déjà... est-ce que c'est le même concert que tu présentes ici que tu veux mettre à Avignon ou si c'est vraiment présenté autrement? On a travaillé en fait la mise en scène avec un garçon qui s'appelle Christophe Gendreau. Et attends, je vais te dire. Oui. Oui. Un peu trop féminine. Aujourd'hui, ces messieurs s'épilent en effaçant leurs traits virils. Où sont embrasser un homme mal rasé. Ça donne du piquant au baiser. Ça laisse un peu de rouge aux joues, une trace en arrière-goût. Je tords sans couverture, puisque j'ai contre moi mon manteau de fourrure. Sur son torse pousse une crinière, je m'y accroche des nuits entières. C'est beau, un homme à poil, c'est presque un animal. C'est chaud, un homme à poil, c'est mieux qu'un chien, presque un cheval. Ah oui, oui, jus d'orange, là, c'est bien parce que... Oh là là, c'est vraiment... Il fait très, très, très chaud. Ah oui, oui, oui, oui. Donc, en fait, donc quand le Train Théâtre donc, m'a contacté pour dire qu'il me soutenait pour la Dami, ils m'ont dit, je vais te faire faire une résidence chez moi. Super. Donc, j'arrive, j'ai été accueillie comme une princesse. Ils ont été extraordinaires. Et je pèse ce mot, hein, extraordinaire. On m'a accueillie avec une équipe technique, un ingé son, un ingé lumière... incroyable, et une directrice technique de haute voltige. Alors, tu es surprise de voir les professionnels qui se placent comme sur un échiquier autour de toi. Tu es surprise d'autant de qualité artistique pour quand même un premier album, une première scène. Oui, alors déjà technique, hein, parce que l'artistique, c'est moi qui l'amène de front. Mais technique, c'est-à-dire que moi, en technique, je connais des choses, mais je ne connais pas grand-chose. Finalement. En lumière, par exemple, je ne connais rien. Et en son, un petit peu. En lumière, je ne connaissais rien. Et tout d'un coup, j'ai une femme qui me dit « Tu veux de la gélate 60, tu veux du 350 ?» Je ne comprends rien. Et elle m'a tout expliqué. Elle m'a dit « Voilà, là, ça s'appelle un contre, ça s'appelle une face, ça s'appelle un plein feu, ça s'appelle un... » Plein de choses comme ça. C'est intéressant. Parce que toi-même, peut-être, éventuellement, tu vas pouvoir diriger d'autres chanteurs, chanteuses, parce que tu vas connaître un peu les rouages. Alors, pas encore, mais en tout cas, j'ai eu une très bonne initiation. Oui, ben oui. Et ils ont été vraiment très... Déjà, j'ai trouvé professionnels, mais... C'est-à-dire, non seulement ils sont gentils, ils sont là pour t'aider, mais... Ils sont pas du tout flemmards ou bottes pantouches. Ils sont là avec toi pour travailler et donner le meilleur d'eux-mêmes. Enfin, c'est extra. Et la mise en scène, c'est Jean-Michel Mouron qui m'avait fait rencontrer un garçon qui s'appelle Christophe Gendreau. Et j'étais allée voir son spectacle qu'il avait metté en scène. Il a travaillé avec plein de gens, Ben Mazué, il a travaillé avec... je ne me rappelle plus de tous les noms, mais il chantait avant dans un groupe qui s'appelle Vrigels. Ok, oui. Et lui travaille au chantier des Franco, notamment aussi en tant que coach scénique. Et je l'ai vu qu'il mettait en scène un artiste, j'ai trouvé ça super. Récemment ? Pourquoi j'ai pas son nom ? Peu importe. Ah, ce serait dommage, il faudrait que je le dise. T'enregistres ou pas ? Oui, ouais. Ben oui. Comment il s'appelle ? Il faudrait que je le dise, cet artiste. Je vais le retrouver. Ah oui. Et je le vois et je trouve que c'est super ce qu'il fait comme travail. Et donc, tu vas le rencontrer. On se rencontre, ça se passe bien, et on dit, en avril, on fait cette semaine de résidence au Train Théâtre. Donc c'était du 15 au 19 avril. Et là, du 15 au 19 avril, et ben, on a passé une super semaine. Donc je travaille avec un musicien qui s'appelle Quentin Béconnier. Okay. Et avec Quentin, et ben, on a fait un super travail. Christophe, il a bien cerné, j'ai l'impression qu'il a bien cerné le personnage, il a bien cerné comment, et puis il est allé encore plus loin. Il a donné des indications très précises, il est allé encore plus loin. Et je ne sais pas comment le spectacle, je l'ai rodé, je l'ai fait 3-4 fois là, depuis avril. Mais là, à Avignon, je vais pouvoir vraiment le rôder et voir la réaction du public. J'ai hâte. Est-ce que tu connais un peu la salle? Tu as vu des plans de la salle? Oui, parce que j'y suis allée l'année dernière à Avignon pour voir la salle. OK. Parce que j'avais déjà... Mais ne sachant pas que tu allais te retrouver sur scène. Ne sachant pas, mais en me disant, un jour, ce serait bien que je fasse cette scène. Je ne savais pas que c'était pour l'année d'après. Alors, c'est une belle salle? C'est une très belle salle. C'est une petite salle, mais Avignon, il n'y a que des petits théâtres. Et il est quand même grand pour Avignon. Il y a deux salles. En fait, ça s'appelle le Théâtre de l'Arrache-Cœur. Il y a la salle Vian et la salle Moustaki. Et moi, je suis dans la salle Moustaki où il y a une jauge de 70 places. C'est très bien. Le rapport public est très proche. C'est-à-dire que enfin, à mes pieds sont les spectateurs. Enfin, ils sont tous vraiment. La scène est là et les spectateurs sont. Voilà. Oui, oui. On est très proches. Donc, le rapport public est super. Ça me plaît. Le plateau est bien. On a répété dans les conditions. Et c'est 20 spectacles à peu près. Et c'est quoi ? 20 concerts à peu près. 21 concerts du 5 au 28 juillet. Relâche les 10, 17 et 24 juillet. Heureusement. Ah, il faut bien se ressourcer à un moment donné. Et es-tu traqueuse? Non, en fait, je suis très excitée et je ne dors pas beaucoup parce qu'en fait, cette nuit encore, j'ai eu une idée. Ah, okay. En plus, pour le texte, parce que je dis des choses entre les chansons. Ouais. Et là, je suis un déjà préparé, là, pas improvisé. Oui, rien n'est improvisé. Enfin, il y a une trame, hein. Ça peut être comme la Comédie dell'Arte, tu as un canevas et si le public me lance sur une piste, je vais rebondir. Ouais. Mais tout est assez calibré. Okay. Et là, j'ai eu une idée, je ne sais pas pourquoi, j'ai pensé à ça cette nuit, donc je me suis levée. Donc voilà, je me suis couchée. Prendre des notes. Et même, prendre des notes, et même j'ai cherché parce qu'il me fallait. En fait, je ne sais pas si je vais le garder, hein, mais là aujourd'hui où je dis. Mais en fait, je me suis dit que j'allais faire Lucien Jeunesse sur une des questions. Est-ce que tu connais Lucien Jeunesse ? Non. Lucien Jeunesse, c'était un homme qui faisait un jeu sur France Inter qui s'appelle Le jeu des 1000 francs. Ah ben oui. Ben, c'est la plus vieille émission radiophonique. Exactement. Oui. Puis le film Tandem a été pris sur ce monsieur-là. L'histoire de Tandem, tu connais ? Exactement. Ah, c'est voilà, exactement ben oui, je connais. Ben avec oui, Patrice ben oui. Lecomte. Puis ça a été modifié après ça parce que c'était les euros, là. Non, c'est le jeu des 1000 euros, je crois. C'est ça, exactement. C'est un grand ami de Marlène Dietrich. Ah, oui. Eh bien, ce Lucien Jeunesse, hein. Parce qu'en fait, je commence le spectacle par une chanson et tout de suite après, je pose une question au public. Et je ne sais pas pourquoi, cette nuit, j'ai rêvé comme quoi tout arrive de Lucien Jeunesse. Et là, je me suis dit, pourquoi je ne poserais pas la question à la manière de Lucien Jeunesse et de déclencher tout, tout, tout, tout, tout. Et donc, je me suis levée. J'ai préécouté une émission, j'ai téléchargé sur Internet, j'ai téléchargé la bande de son de l'émission et j'ai coupé pour avoir le tum, en pleine nuit. En pleine nuit, ouais. Et j'ai tout calibré, j'ai déjà enregistré dans mon petit pad électronique que je déclenche sur scène. Ça y est, j'ai fait ça cette nuit. Ah oui, puis là, quand tu réécoutes après coup, là, en travaillant ce matin, est-ce que tu étais aussi... Je trouve ça drôle. Ben oui, ben c'est... Mais par exemple, moi je trouve ça drôle, mais parce que peut-être que demain je vais pas trouver ça drôle, et peut-être que le 5 juillet, la première, je vais le faire, et le public va trouver ça pourri, je vais l'enlever, j'en sais rien. Ok, tu veux juste voir la réaction. Ouais. Okay. Je vais encore essayer des choses. Et tu veux présenter ça en début d'émission? En début de spectacle? Juste après la première chanson. Et le lien, c'est quoi? C'est de faire rire? Oui, j'ai une chanson qui, au départ, qui n'est pas vraiment rigolote. Mais je veux désamorcer tout de suite après. Okay. Faut qu'ils comprennent à qui ils ont affaire. Enfin, et surtout que le spectacle ne sera pas si lourd que ça. C'est pas parce que la première chanson est lourde que ou plus réfléchie. Elle est diabolique, la première chanson. Ok, c'est ça. Donc tu veux après ça désamorcer. Complètement. Non, mais oui. J'aime beaucoup en fait les chats parce qu'ils retombent sur leurs pattes tout le temps. Okay. Et je veux que les gens soient surpris en se disant mais où elle va. Et ça m'a plu. Et par exemple, ce matin, c'est bête, mais là, à l'heure où on parle, Reynald, il fait hyper chaud à Paris, t'es d'accord ? Oui, oui. Et bien là, mon musicien, là, il est un marin, c'est un marin. Mmh. Il est au fin fond, je sais pas, dans la Manche, entre l'Angleterre et la France. Et il m'a envoyé une photo ce matin où il est en bonnet avec une écharpe et des moufles. Ben voyons. Mais c'est ben pas oui, très loin, hein. Non, mais il est c'est peut-être quand même à 400 km. Non, ouais, mais la mer, c'est plus frais aussi, mais c'est à ça. Ce point-là. Et du coup, ça m'a donné une autre idée. OK. Du coup, je lui ai dit... Il faut arrêter de t'envoyer des choses, t'as trop d'idées, là. Oui, vas-y. En fait, tout est... C'est pour te dire que je n'ai pas trop le trac, je suis plus en ébullition. Oui, ben je vois ça. Et j'aimerais bien être moins en ébullition et un peu me poser, mais Je suis très contente, en fait. C'est drôle. Ouais. Ben, c'est bien. C'est bien, bien dans des états comme ça. Ouais. Oh, oui. Et ben, voilà, l'ébullition, c'est pétillant. Ben, oui, effectivement, c'est comme le champagne. Mais, C'est sympa, cet état-là. Oui. Est-ce que tu vas lancer des nouvelles chansons que tu n'avais jamais indiquées sur scène? Non, je ne fais pas. OK. Il y a des chansons qui ne sont... Il y a deux chansons que je chante sur scène qui ne sont pas sur l'album. OK. Voilà. Je ne chante pas toutes les chansons de l'album parce qu'il fallait faire un spectacle de moins d'une heure. C'est-à-dire qu'il ne faut pas dépasser une heure. Okay. Donc le spectacle doit faire, avec le blabla, 58 minutes peut-être. Et c'est combien de chansons, une dizaine? Il y a 13 titres. 13 titres, si je me souviens bien. En fait, il y a le 13e que je fais dehors, normalement, s'il ne fait pas dehors. Trop chaud. Ouais. J'emmène le spectateur. Le public va te suivre. Voilà. Toi, tu vas suivre le guitariste et tu termines ça à l'extérieur. Je prends une guitare et je chante guitare-voix à l'extérieur. Alors, tu fais sortir le public sans savoir. Ouais, une fois que le public est parti, bon, là, tu vas rentrer, il n'y aura plus personne. Ah, mais c'est pas mal! Sous tes ailes, mais je suis un drôle d'oiseau qu'on n'attrape pas avec un anneau. Je n'ai pas besoin de béquille ni du nom de ta famille. Je suis femme, mais pas d'un homme. Je ne dépends de personne. Viens, je te demande ta main. Je t'emmène sur un chemin sans tout le. Sur les photos de mariage, les sourires même sous verre finiront couverts de poussière. Le plus beau jour de ma vie, juste un seul, je n'ai pas envie. Pas de bouquet ni de serment qui se fane avec le temps. Viens, je te demande ta main. Je t'emmène sur un chemin. Dans une cage, pourquoi vivre derrière des barreaux au lieu d'être libre comme des tourtereaux? Devant combien de chandelles on promet d'être fidèle? Dans tout joli conte de fées, l'ennui finit toujours par tomber. Viens, je te demande ta main. Je t'emmène sur un chemin sans tout le tra-la-la-la-la, sans les chabadabada, viens là et la-la-la-la-la, prends-moi, oh la-la-la-la. Tra-la-la-la-la, sans les chabadabada, viens là et la-la-la-la-la, prends-moi, oh la-la-la-la. Mais c'est parce que c'est une fin ouverte. En fait, ce qui se passe, c'est que comme y a, les spectacles se suivent, c'est très millimétré l'organisation. Oui. Donc il faut que, par exemple, mon spectacle, c'est de 16h30, ça commence à 16h30, à 17h30, il faut arrêter, il faut que le public soit parti à 35. Ah oui, OK. Pour que je dégage le plateau et que l'autre personne qui va faire le concert... Ah, c'est pour ça que tu veux sortir avec le public. C'est ça. Parce que ce ne sera pas le même public pour l'autre après. Exactement. OK. Ah, mais c'est intelligent, ça, de faire... sans le savoir, ben, le public ne sera pas au courant, mais pour libérer la place, histoire de préparer l'autre spectacle voilà. après. Ah, ben c'est super intéressant, oui. Est-ce que tes chansons sont modifiées, contrairement à ce que tu présentes sur disque? T'as-tu... Oui, j'ai modifié des choses. Oui? En fait, j'avais émis quelques idées, et ça a été encore poussé plus loin par Christophe Gendreau, donc le metteur en scène. Et on a validé, on a essayé plein de choses, ça nous a fait marrer, d'autres choses on s'est dit bon ça marche pas, d'autres on dit ah ça marche bien, enfin voilà, on a testé des trucs. Ouais, je suis assez contente, notamment sur Alzheimer, on a changé des trucs, sur la chanson vieille. Pourquoi tu as voulu changer des textes, le texte? Parce que je voulais rebondir avec le musicien. Ok. À un moment donné, en fait, le musicien... Est-ce que je dévoile ce qui se passe ou pas? Ouais, je dévoile. Oui. En fait, le musicien, à un moment donné, je commence à perdre le fil des paroles puisque je suis atteinte de la maladie d'Alzheimer. Ouais, ouais. Et donc, le musicien me souffle. Ok. Et donc, parfois, il souffle des conneries. Voilà, donc okay. c'est drôle. Ouais. Et puis, voilà, on rajoute des arrangements très différents puisque donc, on est guitare-voix, mais moi, je mets des boucles. Mais sur Alzheimer, on a fait un slow 13 années 60, un peu comme tous les garçons et les filles de mon âge, ou Capri ouais. c'est fini, enfin tous les hits un peu yéyé comme ouais, ça. Ouais, des années 60. Ouais, ouais, c'est, j'aime bien. Alors, t'as voulu modifier ça pour l'actualiser, mais pour aussi le placer sur scène et le mettre plus cohérent avec le spectacle. Oui, et en fait, moi, ce que j'aime beaucoup, j'ai fait beaucoup de cabaret, de... Pour moi, le rapport scénique, par exemple, quand on retourne dans les mystères du Moyen-Âge, quand on retrouve dans les racines du théâtre en France, d'abord, le théâtre, ça se passait dans les églises. On appelait ça des mystères. Et le public faisait une partie intégrante du spectacle. Ouais. Et j'aime beaucoup, en fait, cette notion-là. J'aime bien l'idée que le rapport scénique soit pas uniquement les acteurs face aux spectateurs. Et qu'il y ait une espèce de ligne imaginaire qui sépare le spectateur de l'acteur. Artaud, c'est ce qu'il voulait. Antonin Artaud voulait placer les gens dans la pièce de théâtre. Exactement. Sur Antonin Artaud, ou même, je crois, Peter Brooks dans certaines de ses mises en scène. Oui. Pour moi, alors, c'est pas la même chose, il ne faut pas tout mélanger, mais le cabaret fait que les gens sont partie intégrante. C'est-à-dire que. Moi, je parle aux gens. J'ai envie de... Je suis pas là pour faire une messe. Non. Voilà. Ce n'est pas solennel. Et ça m'intéresse d'avoir peut-être des réponses qui vont m'ébouriffer, qui vont me surprendre. Et voilà. Ouais, ça m'intéresse. Et tes chansons que tu présentes, c'est une suite logique ou si ça n'a aucun lien avec l'autre? Est-ce que la chanson attire l'autre, amène l'autre? En fait, c'est plutôt, tous les liens entre les chansons amènent la chanson, mais je ne fais jamais de paraphrase. C'est-à-dire, par exemple, la prochaine chanson, je l'ai écrite pour un homme que j'aime. Je ne vais pas raconter l'histoire. Mais ça, c'est classique aussi, tout le monde le fait, donc on veut sortir un peu de ce sentier battu-là. On ne veut pas raconter l'histoire de l'histoire parce que la chanson sera racontée là pendant les 3 minutes et 30 secondes que durera la mélopée. J'essaye de surprendre et puis j'ai créé aussi une histoire avec mon musicien parce que je trouve que, oui, alors certes, ce sont mes chansons, mais le musicien est très important parce que moi, je joue un tout petit peu de guitare, mais sans lui, le spectacle ne se ferait pas. Donc, j'ai voulu l'inclure comme un vrai partenaire. Et là, l'histoire que je crée avec le musicien, c'est vraiment le metteur en scène qui m'a soufflé cette idée, enfin qui a eu cette idée-là. Et j'ai trouvé ça super bien, j'ai trouvé ça cruel. Ça me mettait dans un personnage hyper cruel avec le musicien. Mais je me suis dit, on ne voit jamais ça. C'est rare. Et c'est original. C'est très original, très éclaté. Et là, le metteur en scène, il a vraiment apporté quelque chose qui m'a beaucoup plu, où je me suis dit, quelle chance j'ai de travailler avec lui. Oui, c'est quand même... Mais c'est des gens qui sont très inspirants, qui aussi croient beaucoup en toi. C'est pour ça que tu peux les laisser travailler sans... Oui, en donnant ton avis. Mais comme ils sont professionnels, tu les regardes te proposer et tu acceptes ou pas, mais tu vois que c'est bien réfléchi, que le métier aussi est là derrière. Là, c'est, oui, et c'est puis il a beaucoup de métiers, et puis j'avais confiance en lui, donc voilà. Mais la scène, c'est ce qui te plaît davantage que les disques, parce que dans un album, on est seul, on est oui. Sur scène, ben là, on se présente, on n'est plus... Ah oui, moi, la scène, c'est génial. Ah oui? Non, le disque, je l'ai fait parce qu'on m'a dit, il faut que tu fasses écouter tes chansons. Oui, puis ça sert aussi le spectacle. C'est la carte de visite. Là. C'est une carte de visite pour montrer d'abord les chansons. Oui. Mais c'est vrai que même si quelqu'un, par exemple, va aimer quelques chansons de l'album... On ne sait jamais comment la personne est sur scène. Moi, il y a des artistes que j'adore sur disque, mais j'adore. Et sur scène, je suis toujours un peu déçue. C'est pour ça que Françoise Hardy ne veut jamais faire de spectacle, parce qu'elle veut que ce soit flamboyant, puis les chansons, ce serait peut-être moins pris au sérieux. Tu sais, elle aimait bien Johnny Hallyday parce qu'il était flamboyant, mais elle ne se voit pas du tout monter sur scène, donc elle n'a jamais fait de spectacle non plus. Oui, c'est dommage. Comme Murat, mais l'autre, Jean-Romancé n'a jamais voulu faire de scène parce qu'il disait que ça ressemblait un peu à un jardin zoologique. On allait visiter les artistes comme on allait visiter les tigres ou les girafes. Mais c'est son point de vue. Aujourd'hui, quand tu as vu Alain Bachung, avant sa mort, il a voulu monter pour la première fois sur scène. Mais il était trop tard, les gens l'ont oublié. Hein. Mais il reste que la scène et le disque, c'est complètement différent. Mais c'est aussi... important. Il ne faut pas non plus ignorer un et l'autre. Oui, c'est vrai ce que tu dis. Il y a des artistes que j'ai d'abord entendus sur disque où j'avais trouvé ça bien, mais sans... Et un jour, je les ai vus sur scène et j'ai fait « Waouh, c'est extraordinaire! Quelle chance! Quoi? Mais j'avais écouté ces chansons! Oh, mais vite, il faut que je les réécoute! » Ouais, et puis, ouais. En fait, c'est parce que la personne aussi, entre les chansons, nous parle, nous convie. Nous fait partager. Voilà, et nous ouvre sa porte. Oui, oui, oui. Et là, on entre dans... On comprend tout aussi comment cette personne voit le monde, par quel prisme. C'est vrai. Et voilà, et... En fait, je crois que je préfère vraiment la scène en général. J'aime beaucoup découvrir les artistes sur scène. Est-ce que tu commences à... Ben, c'est sûr que la scène, c'est ce qui va t'arriver dans quelques jours. Mais est-ce que tu as des phrases en tête pour le prochain album? Ou si tu n'es pas rendu là du tout, tu es sur scène? Puis, Si, j'y pense. J'ai commencé à écrire une nouvelle chanson que j'ai eu comme ça dans le métro. Okay. Ben c'est bien prendre le métro, ouais, ça inspire. Ça, ouais. On pense à autre chose. Oui, ben oui, ben oui. Oui, mais c'est pas encore, c'est pas terminé, mais une première chanson. Ok. C'est-tu dans la continuité du premier Rock Plus? Oui. C'est pas, ça n'aborde pas un thème féminin, ça aborde l'absence. Voilà. Un moment plus triste dans ma vie. Mais est-ce que souvent tes chansons représentent ce que tu es? Ou si ça peut être vraiment venu d'une idée ou d'une interrogation, mais qui n'a rien à voir avec ta vie personnelle? C'est souvent... ça a à voir avec ma vie personnelle, mais dans le sens où ce sont aussi, des, par exemple, mes amis qui me confient des choses. Ou par exemple, là, où nous sommes en train de discuter. Ouais. Je ne sais pas, après, je vais rebondir et je dis, mais pourquoi j'ai pensé à ça? Ah, mais parce que je l'ai vu et ça me fait penser à ça. Mais oui, puis surtout en allant au cinéma, en prenant nourrir, des bouquins, ouais, des livres, des peintures, on s'abreuve de tout, tout nous inspire. On n'est jamais en vacances, c'est ça l'intérêt d'être créateur. Il y a un poète québécois qui disait « Moi, je suis jamais en vacances ». C'est vrai, les mots arrivent tout le temps. Il faut savoir les saisir, il faut savoir les comprendre. Mais je pense que parfois, on a un temps aussi où on est tout le temps en ébullition et parfois, on se met un peu sur pause. J'ai l'impression que parfois, on se met en veilleuse. On se met en veilleuse, mais sans que ce soit volontaire. Ouais. Il était une fois, on était trois, mon père, ma mère et moi, la seule enfant dans leurs bras, une belle au bois dormant, entre papa et maman. Toc toc, on cogne à

et ses hommes sans leur dire un mot. Ça vient comme ça. Peut-être la fatigue fait en sorte qu'on se tranquillise puis on veut plus rentrer dans la vie que dans la création. On veut vivre aussi avec nos proches. On veut pas toujours. Oui. C'est important. Oui, ça dépend. C'est incroyable les mystères comme ça de la création. Pourquoi est-ce que je suis dans le métro et que j'ai des phrases qui arrivent et une mélodie qui arrive comme ça? Je ne sais pas. Alors que j'étais pas du tout dans un chemin de création où j'étais pas. Mais c'est arrivé comme ça, boum, la musique plus le texte. Hein. Mais la musique, comment tu fais pour l'écrire? Est-ce que tu prends ton. Je chante devant les gens dans le métro. Ah oui? Je prends mon téléphone et puis je chante. Discrètement? Discrètement, mais j'ai pas peur du ridicule, même si les gens m'entendent chanter. Ils ne trouvent pas ça. On te regarde sans doute, ou même on est trop mal à l'aise, on te regarde pas, mais oui. On t'écoute. C'est drôle. Est-ce qu'on t'a déjà applaudi? Non? Non, parce que je fais ça discrètement que souvent ce sont des bribes de mélodies. Oui. Non, je ne suis pas du tout. Mais quand tu reviens à la maison, est-ce que tu les utilises souvent ou si c'est juste une amorce pour. Je réécoute tout de suite. OK. Je réécoute tout de suite. J'essaye de préciser les lignes mélodiques, préciser le texte. Je laisse reposer. Ouais. Et après, j'écoute de nouveau. Je me vois si je m'en souviens. Si je m'en souviens, alors c'est bon, c'est bien. Et tu continues le travail. Oui. Et c'est comme ça que tu forges. Et là, c'est plus laborieux. Oui, c'est plus laborieux. J'en suis cette phase-là pour la nouvelle chanson. Ah, d'accord. Mais tu sais, là, les chansons que tu as modifiées pour le spectacle, les mots qui ne seront plus les mêmes que sur l'album, est-ce que tu as peut-être le goût éventuellement de proposer les nouvelles versions sur un album dans les bonus? Ah non, parce que c'est pas aussi important les changements. Et puis surtout, c'est que là, les nouvelles versions... C'est pour versions, le spectacle, c'est pour servir le c'est spectacle. C'est pour le spectacle, ça sert le spectacle. OK, ouais. On est vraiment sur quelque chose pour le spectacle, pour le spectateur. Et là... Qui rendrait rien sur le disque. Après Avignon, tu vas l'avoir fait 21 fois, c'est ça, 21 fois? Oui, après j'ai un autre concert dans un château... le château de la Verrerie à Puget, donc s'ils font du rosé, du rouge de Provence. Je suis très contente, j'adore le vin. Oui, mais est-ce que tu veux refaire ce concert-là, ce mini-concert-là, ailleurs qu'à Avignon? Oui, alors l'idée, c'est qu'après que je puisse tourner ce spectacle, alors soit dans cette forme une heure, soit 1h15, 1h30, en fonction des demandes, mais en tout cas, on a travaillé avec le musicien une bonne heure et quart de spectacle. OK. Et là, vous avez épuré pour 50 quelques minutes, histoire de... Voilà, 58 minutes, oui. OK. Mais est-ce que c'est difficile de rentrer dans le temps? Dans le quoi? Dans le... Dans le temps, de 50 minutes. Est-ce que tu as quelqu'un, un régisseur, qui te fait signe ou... Non. On s'est dit, bon, alors... J'avais dit à la metteur en scène, j'aimerais ces chansons-là. On s'est un jour chronométré en répétition. Et je faisais mon blabla, et on a vu que ça a fonctionné, on a refait tout le spectacle, on a vu que ça marchait dans les 58 minutes, on était bon. Puis là, quand tu laissais une autre fois, ça fait quand même 50 minutes? Oui. Parce que tu déroges pas, tu restes avec le même texte? Oui. OK, mais s'il y a des interactions, le pire, c'est que il se rajoute une minute et demie. Oui. C'est pas quand même une tirade... Même pas. Une interaction, ça rajoute peut-être un 15 10 secondes. Hein. Oui, c'est un sourire, un regard. Si on a 3, c'est 30 secondes. Oui, OK. Ça rajoute pas beaucoup. Mais tu n'as pas le choix non plus de ramener ça à 50 minutes, sinon tu vas freiner un peu les autres qui suivent après. Là. Oui, c'est ça. Mais le travail de scène, le travail d'éclairage, ça, tu vas le placer lundi quand tu vas aller sur scène? As-tu une idée, oui? Oui, parce qu'on a fait une conduite lumière. OK. Et elle a été à faite... À Paris, ça? Non, au Train Théâtre, justement, okay. où apporte les balances. Donc, le théâtre qui m'a ouvert leur porte. Mm-hmm. Et donc, c'est un garçon qui s'appelle Christophe qui a fait la conduite lumière. OK. Et avec le metteur en scène. Le metteur en scène a dit, j'aimerais ci, je voudrais faire ça, etc. Il avait quelque chose de très précis. On a créé cette conduite lumière. Et donc, je sais exactement où je dois passer mes projos, okay. Où je dois passer ma boule à facettes. Maintenant, j'ai un chien sur scène. Un vrai? Alors, j'espère que non. Non, c'est pas un vrai. OK. Parce que c'est pas facile. Là. C'est pas facile à dresser. Non. Mais il n'est pas facile le mien non plus, parce okay. qu'en fait, j'ai pris un énorme chien, un dog allemand, comme sur ma pochette, en okay, résine. Oui. OK. Et donc, il est très grand. Mais comment tu as fait pour trouver ça? C'est quelqu'un qui t'a le... Alors, l'histoire est incroyable. OK, allons-y. Lors de la résidence en avril, oui. je discute avec le metteur en scène. Je dis, oh, mais j'aimerais bien un élément de décor, j'aimerais un accessoire. C'est pour le spectacle, quoi. Il me dit, ouais, mais un élément de décor, il faut trouver une signification. Tu peux pas faire... Et tout d'un coup, je dis, un chien! Mais oui, parce un que chien. Tu faisais le lien avec la pochette? Avec ou... la pochette. OK. Et là, je dis ben, un truc là en plâtre chez les mamies, ou, mais pas un bibelot, un non, vrai ouais. truc oh, quoi. Oui. Où je, voilà. Un peu comme ça. Ouais, il est grand. Ok. Ah oui. Il est vraiment grand. Ok. Ouais, il est comme ça. Un poney. Et donc je regarde sur le bon coin. Et puis je vois des chiens. Ah, je dis ah ben, super, ils font 1m10 de hauteur, très bien. Et donc j'appelle, et puis on me réserve un chien à Strasbourg, dans ma ville natale. Je dépêche des amis à moi d'aller le chercher. Un bibelot? Ouais, de 1m10. J'achète le bibelot. OK. Et en fait, je fais un concert à Bergerac, 15 jours plus tard. Et le bibelot, je ne l'avais pas encore rapatrié chez moi. Enfin, ce n'est pas un bibelot, mais c'est une grande statue de chien. Une statue. Et c'était un berger allemand. OK. Et là, je fais un concert à Bergerac. Et c'est un ami que j'aime beaucoup, qui s'appelle Alain Stornery, qui a une agence de modèles qui s'appelle Harmony Model, qui me fait venir pour chanter à la Foire Expo de Bergerac en première partie des années 80. Donc je chante devant 3000 personnes, et juste avant, pendant la répétition, la balance, bon, j'ai un peu de temps, puis je regarde, on décide de faire un petit tour pour voir ce qu'on vend sur la Foire Expo, j'achète du vin, on achète de la bière, et tout d'un coup, on voit un garçon qui a un magasin qui s'appelle Top Expo, où il expose que des chiens en résine, toutes les races. Et je vois ça, je fais, oh, mais si ça se trouve, ils ont un dog allemand comme sur ma pochette. Et patatras, je tombe nez à nez avec un dog allemand. Avec le même style que sur la pochette. Ouais, enfin, il est. Là, la personne l'avait bariolé de couleur. OK. Mais bon, je le vois, je dis, ah ben voilà, c'est ça qu'il me faudrait. C'est le jeu, ouais. Et puis, en fait, mon producteur, sur la date de Bergerac, décide de me l'offrir. Oh, OK. Mais là, est-ce que c'est lourd à transporter, ce genre de... Alors oui, okay. Mais alors le problème, c'est oui. qu'il me l'offre, et là je fais, oh oh, mais comment je vais faire pour le transporter? Oui, c'est ça. Et donc on a joué à Tetris, un Tetris géant dans ma voiture, pour savoir comment rentrer la guitare avec l'ampli, avec le chien et tout ça. Est-ce qu'il est fragile? Ouais, parce qu'il peut, si on l'éclate, hein, il peut, ouais, il peut... OK, fini, c'est fini. OK, alors il faut faire attention. Et donc, on a réussi à le faire rentrer. Et puis, je suis arrivée chez moi. Et là, mon homme dit, mais attends, t'as un berger allemand. Maintenant, t'as un dog allemand. Mais on va faire quoi de ce chenil à la maison? Puis en plus, t'as les jouets de ton enfant. T'as tout ces... C'est pas facile, là, ça commence. Puis le petit, est-ce qu'il a le droit de s'amuser avec? Non, mais... Oh. Okay. Maintenant, voilà. Donc, et donc, il était bariolé, donc j'ai décidé de le repeindre, de le laquer tout en noir. Toi-même? Oui. OK. Et donc, j'ai fait sur Internet un tuto toilettage et relooking d'un chien. OK. Et donc, je l'ai... Une vidéo, on peut voir la vidéo? Okay, en fait, tous les jours, je faisais une photo ou une vidéo. OK. Donc, je le brosse dans le sens du poil, j'oublie aucun détail. Enfin, tu verras, c'est assez... Mais c'est peint... Tu le fais à l'éponge ou tu le fais au pinceau? Non, je le brosse à la... Comment on appelle ça? Au papier de verre. OK, ouais. Pour enlever... pour avoir la prise de la laque, ouais, pour ouais, le ouais. repeindre. Ouais. Donc, je brosse partout. Et après, je le repeins au pinceau et au rouleau laqueur. OK. Mais c'est un travail de moi. C'était un bon travail. Puis là, au bout du compte, c'est celui-là qui va se retrouver à Avignon. Là. Voilà. Puis tu te vas transporter. Voilà, et ça, on va rigoler. Parce que c'est reparti pour le Tetris lundi matin. Oui, puis après le concert, il faut l'enlever parce qu'il y en a un autre. C'est ça. Il ne faut pas le briser parce que le spectacle après, il n'y en a plus. C'est ça. Alors, ça devient presque, comment tu peux appeler ça, mais c'est pas un totem, mais un... Mascotte. Une mascotte! Ah ben, ça va être la mascotte du spectacle. Moi, ce que j'aime, c'est que quand tu arrives en tant que spectateur dans une salle, ou quand tu vas au théâtre, ou à un concert, moi, je regarde toujours l'implantation scénique, il n'y a pas encore les musiciens, on voit qu'il y a une guitare, on voit qu'il y a une batterie. Ah oui, ça c'est bien, ouais. On voit qu'il y a un accordéon, tu regardes ce qu'il y a sur scène. Ben oui. Alors, si tu vois un accordéon, tu dis « Ah, il y a un accordéoniste ». Voilà. Ou alors, quand tu vas au théâtre, tu vois une fenêtre ou tu vois, je ne sais pas, une rambarde. On se dit « Qu'est-ce que c'est que cette rambarde? Qu'est-ce que ça peut signifier ?» Alors, tu essaies d'imaginer avant même que la pièce commence, voilà. Peut-être on va rentrer par la fenêtre. Ou, exactement. Ouais, c'est ça. Oui, on se fait une mise en scène. Et là, de voir un chien qui regarde fixement le spectateur, on va se dire, qu'est-ce que c'est que ce truc? Les 70 spectateurs qui sont là. Mais avec un énorme chien. Oh, oui, c'est ça. Ben oui, ils vont se prendre en photo avec. Peut-être ça va devenir, comme je le disais, une sorte de c'est intéressant, ça. Est-ce que tu l'as nommé? Comment il s'appelle? Alors, justement, j'ai fait sur les réseaux, j'ai demandé... quel nom. Ouais, ouais. J'ai eu à peu près une 25 propositions, mais j'ai pas encore choisi. Mais est-ce qu'il y a beaucoup de redondances comme, je sais pas, Rambo ou... Non, c'était plutôt beaucoup en rapport avec mes chansons. Donc par exemple, Presque un animal, comme le titre d'un EP. Puisque comme c'est pas vraiment un animal, donc ils appelaient Presque un animal, je trouvais ça pas mal. Oui, oui, c'est vrai. Il y avait aussi Rainbow, parce qu'avant il était bariolé de plein de couleurs. Ou Rainbow Warrior. Ou Black Rainbow, ou Gay Pride. Gay Pride, oui, à cause parce des que couleurs. Parce que comme, ouais, des couleurs. Comme le drapeau, oui. Ouais. Et je trouvais ça beau, parce que maintenant il est tout en noir, et de l'appeler Gay Pride, j'ai trouvé ça super. Ouais, ouais. Ouais, parce que si les gens connaissent plus ou moins la symbolique, ou ils connaissent pas la symbolique, ça va donner une autre façon de le voir, puis même un autre intérêt. Pourquoi on l'a appelé... ainsi, quand le chien est noir, tu sais, ça va susciter un intérêt assez... Et puis tes chansons, est-ce que tu, depuis le premier EP jusqu'à l'album, est-ce qu'il y en a quelques-unes qui te plaisent un peu moins ou sont encore très, très présentes avec toi? Tu veux dire des chansons qui sont très présentes ou que je ne joue pas? Ben, est-ce qu'il y a des chansons que tu que je ne joue pas que sur scène? Moins, que tu aimes moins après avoir enregistré? Il y a une chanson que j'aime beaucoup, mais que je ne peux pas faire guitare-voix parce qu'on a essayé plusieurs fois de la faire guitare-voix et que je trouve que ça ne fonctionne pas assez bien. C'est « Femme, mais pas d'un homme ». Oui, oui, oui, ok, ouais. Alors, je ne la fais pas sur scène. Je l'ai tentée, mais je trouve qu'il y a tellement une dynamique sur... Musical, il faudrait un vrai cuivre. Oui, c'est vrai. Et à Capella, ça ne peut pas sortir non plus. Non. Ça manque vraiment, il manque beaucoup. Et on a fait quelque chose d'un arrangement assez punchy en guitare et ça, je sais pas, ça ne fonctionne pas. OK. Alors, c'est elle qui... Qui en pâtit un peu. Je ne fais pas non plus sans le superflu comme chanson parce qu'elle est peut-être un peu trop douce. Et en fait, j'ai dû écrémer. Mais... par exemple, je ne chante pas souvent le parcours de santé ou pas souvent encore. Oui, sans le superflu parcours de santé, je ne chante pas fréquemment, mais je chante de temps en temps. Est-ce que tu prépares dans ton spectacle, est-ce que t'as peut-être prévu un rappel ou si tu n'as pas le droit au rappel? Alors justement, la chanson que je vais faire dehors, c'est le rappel. Ok. Et les gens vont suivre de l'intérieur à l'extérieur, donc voilà. On peut pas avoir de rappel parce que tu pars avec le public. C'est ça. C'est intéressant. Voilà. Il y a un rappel, c'est parti, on fait le rappel devant. Oui. Puis même s'ils peuvent préparer la salle, le rappel va se faire à l'extérieur. Voilà. Est-ce que c'est un rappel à cappella ou un rappel guitare? C'est un plug, donc je suis à la guitare, guitare-voix, mais pas amplifié. OK. Je l'ai tenté récemment lors d'une grande scène extérieure. Avec un public plus nombreux. Un public beaucoup plus nombreux. Et en fait, je me baladais, donc les gens n'entendaient pas forcément toutes les paroles, mais les gens se taisent vraiment pour entendre. Jane Birkin l'avait fait au Festival d'été, c'était super. Sur une chanson de Gainsbourg, je suis venu te dire que je m'en vais. Elle se promenait avec la foule, à travers la foule. C'était super, vraiment. Là, mais c'est le côté humaniste aussi de la dame. Là. Tu te rappelles pas, mais l'année dernière, j'ai posé 10 questions. Est-ce que tu te souviens des questions? Ouais, pas vraiment, mais je me rappelle que tu avais posé des questions. Ouais. C'était un portrait chinois, c'est quelque chose comme ça. Oui. Voilà. Oui. Alors, on revient avec les 10 questions, on va voir l'évolution entre les dernières. Non, mais c'est juste pour rigoler. Tu te rappelles des réponses? Toi, tu les as? Non, de chaque artiste, non. Mais je vais prendre l'enregistrement d'époque et je vais coller. Ben oui. Alors, si tu étais un liquide? Un liquide? Ça peut avoir changé aussi, heureusement. Tu meurs saoul. OK, pourquoi? Parce que j'adore ça. T'en bois-tu beaucoup? Non, malheureusement, parce que c'est un vin qui est assez onéreux. Ben, ou heureusement aussi, parce que ta santé pourrait en écoper. Oui. Oui, c'est vrai. Peut-être. Mais si à chaque fois que je bois du vin, je pouvais prendre du Meursault, ce serait formidable. Oui, mais comme tu dis, c'est pas donné. Hein? C'est pas donné. Est-ce que t'en bois un peu quand même? Ah oui, oui. OK. Mais jamais assez. Si tu étais une ville. Une ville? Ben, Strasbourg, ma ville natale. Ben oui. Trouves-tu qu'elle a changé avec les années? Je suis allé en 89 et récemment, il y a 2 ans, je trouve que... Elle a beaucoup changé. Ouais. Elle a beaucoup changé, mais... je sais pas, j'aime toujours autant, mais je l'aime parce que je pense à chaque fois que je me balade dans Strasbourg, je me revois petite fille. Ah oui. Parce que j'étais un petit peu... à l'âge de 9 ans, j'étais dans la rue. Enfin, c'est l'impression que ça avait Cosette, mais non. Mais non. À 9 ans, en fait, j'étais autonome dans le sens où je prenais mon bus, je rentrais chez moi, qui se trouvait à 3 quarts d'heure. Et en fait, je commençais à bien connaître la ville. Est-ce que les gens trouvaient ça étrange, vous étiez de 9 ans seul? Je pense qu'à l'époque, non. On ne trouvait pas ça étrange. Et aujourd'hui, je me dis, est-ce que je laisserais mon enfant de 9 ans dans la rue, dans la grande ville, comme ça? À Strasbourg, c'est quand même plus petit que Paris. Oui, mais même à Strasbourg, pas sûr. C'est plus ce que c'était, non plus. La sécurité des gens... Non, je pense que c'est pas une question de sécurité. Je pense que c'est une question de... Peut-être qu'on avait moins peur. Ok, oui. Je pense qu'on a... On nourrit une peur chez les gens. C'est la télévision peut-être. Oui, mais c'est infondé. En fait, je ne vis pas dans un monde béni, oui, mais je pense que cultiver la peur chez les gens, ça fait que les gens ont peur de plus en plus des autres. Et donc, ça nourrit la haine. Mais on peut maintenant, oui, puis on peut aussi les maîtriser plus facilement. La peur peut... Avec la peur, on peut contrôler le peuple, on peut contrôler les individus. Aussi. Hein? Et complètement. D'ailleurs, c'est comme ça qu'on instrumentalise la politique en France. On surfe, enfin, beaucoup d'hommes politiques. C'est rendu mondial avec les États-Unis aussi. Oui, complètement. Ouais. On érige des murs, on cultive la peur. Même, par exemple, pour les migrants, on cultive la peur. On a une espèce de... Ouais. Ce qu'on ne connaît pas, on essaie de le rendre dangereux pour que les gens... Alors, après, je pense qu'il ne faut pas non plus se dire qu'il ne peut rien arriver, mais c'est... Est-ce que tu te considères comme une mère poule? Non, je ne suis pas mère poule. OK. Et tu laisses aller? Sans non plus l'envoyer vers le danger, tu contrôles, mais... Je suis plus dans le contrôle. Okay. Je suis pas très protectrice, mais en fait, je rends mon enfant très autonome. Il faut qu'il soit autonome rapidement. Parce que tu veux un peu qu'il te ressemble lorsque tu étais petite? Oui, peut-être que c'est la façon le comme côté ça miroir. Que j'ai été. Voilà. J'ai été éduquée, donc je n'ai pas d'autre alternative. Ben, c'est bien en même temps. Est-ce que tu veux que ce soit un enfant unique ou non? On verra la vie, mais pour le moment, oui. Pour le moment, c'est très bien. Hein. Comme ça, je partage beaucoup de choses avec lui. Oui, ben oui. Si tu étais une... Est-ce qu'il te regarde travailler? Est-ce qu'il est souvent avec toi? Oui, je l'emmène de temps en temps, mais il n'est pas trop fan. Ah, oh oui. Ah. Il n'aime pas trop. Il préfère sa maman. Ah oui, maman. Une maman. Une maman, pas quelqu'un qui chante ou quoi que ce soit. Non. Mais peut-être aussi, c'est le côté plus féminin que toi qui le saisit, non? Oui, peut-être. Hein, le versant qu'il ne connaissait pas de sa mère. Puis qu'il, Oui, qu'est-ce qu'elle fait? Ben oui, voyons, oui. Et pourquoi devant autant de personnes? Hein? C'est pas dans le privé, c'est dans le public. Là. Si tu étais une langue? Une langue? Le français. Ah, le français. Parce que j'adore la langue française. C'est ma langue. Je pense qu'il faut la défendre. Mmh. Il faut la défendre aussi parce que c'est... Parce que je pense que on a la chance d'avoir un patrimoine ancien qui est extraordinaire avec les lettres, avec les peintures. C'est incroyable. Moi, quand je vais dans mon musée préféré, c'est le MoMA. Okay. Et quand j'y vais, c'est incroyable le nombre de peintures aussi françaises. Le vin, tout ce qui s'exporte à l'étranger. Et en fait, où on voit ces petites graines françaises qu'on a semées partout, c'est incroyable. En musique aussi, en littérature. Oui, dans plein d'art. Mmh. Et c'est peut-être mon côté nostalgique d'une certaine France. Une certaine époque, malheureusement, qui n'est plus. Oui, après, il y a d'autres choses qui se créent, hein, Français qui tirent leur épingle. C'est autrement, c'est autrement. Mais parce que j'aime bien l'histoire et donc j'aime bien voir comment la France a disséminé, a semé sa culture un peu partout. Voilà, c'est vrai, j'aime bien. C'est vrai. Il était veul et familier le vautour autour de sa proie qui louvoyait tout autour de moi. Il voulait me vous voyez, comme vous écrivez, mademoiselle, j'aime vos belles paroles. Envoyez-les par mail @gmail.com. Moi, je me suis pas méfiée, quelle conne. La, sol, do, 19e. Ah oui? Mmh. Mais c'est pas un arrondissement, c'est... okay. Non, 19e siècle. Hein. Ah oui, j'aime bien. Pourquoi? 19e, parce que il y a Zola, parce que il y a... Parce que je sais pas, j'ai l'impression que j'aurais bien aimé vivre cette époque. C'est l'effervescence aussi, hein, le 19e, ouais. Tout se passait là. Oui, j'aime beaucoup cette période-là. Tu passais ici, tu voyais plein de créateurs, plein de poètes, plein de... Oui, et puis j'aime beaucoup le Paris de Zola. Enfin, j'aime bien, j'aurais adoré fréquenter Zola, je pense. Ah oui? Peut-être que c'était un Celtique, hein, on ne sait pas. Hein. Mais j'aurais beaucoup aimé, je sais pas, j'adore ses livres, donc ouais, j'aime bien. Puis lui aurais-tu demandé de t'écrire une chanson? Peut-être qu'il n'aurait pas du tout aimé. Ouais, non, j'aurais bien aimé. Ah, mais c'est, si tu étais un mot? Un mot? Volupté. J'avais pas dit oui. Ça la dernière fois, non. Volupté? Non, ok. J'avais dit quoi? Je sais pas, mais t'avais pas dit volupté. Non. J'avais pas dit volupté? Non, non. J'aime bien volupté. C'est vrai, c'est comme... ça s'en va, la volupté. Oui. C'est scintillant, c'est... Oui, c'est le plaisir. On est dans le plaisir, un peu la... L'ouverture. L'ouverture, la... Oui, c'est joli, volupté. Si tu étais un aliment... Et là, parce qu'il fait chaud, je dirais une glace à la noix de coco. OK. Parce que j'adore ça. OK. Mais en hiver, par exemple? En hiver... Endormi. Alors là, une bonne choucroute. Ah oui, ben oui, ben c'est classique, classique. Si tu étais une saison. Une saison. L'automne. C'est plus frais. C'est plus frais. Les feuillages, les arbres. La rentrée. La rentrée. Et puis c'est que l'automne récemment m'a fait penser. En fait, non, j'ai une idée de chanson vis-à-vis de l'automne. OK. Mais là où on ne voit absolument pas l'automne sur cette idée-là. En fait, je vais faire un con. Si j'arrive à amener ma chanson au bout, je vais faire un comparatif de l'automne avec quelque chose qui n'a rien à voir avec l'automne. OK. D'accord. Alors. Donc je dirais l'automne parce que je suis dedans. Vers quelque chose dans voilà, ta tête. C'est ça. Qui n'est pas très. C'est pour une chanson. Pour nous actuellement. C'est ça. Okay. Non, merci. Si tu étais un membre corporel. Une main. Le côté humaniste. Oui, ou j'aime bien les mains. J'aime bien ce qu'elles traduisent. Quand on serre la main de quelqu'un, on voit si c'est des mains travailleuses, si c'est des mains qui... Sincères, si elles sont douces, si elles sont peu râpeuses, si elles sont énervées, enfin pas énervées, mais nerveuses, ouais, avec des nerfs, ou alors enveloppantes, comme ça. Oui, tu peux presque communiquer dans l'arme avec, en serrant la main. L'énergie commence par la paume. Les doigts viennent suivre. Tu devrais faire des interviews. Tu es beaucoup mieux que moi dans les réponses. Non, mais c'est vrai que les doigts, c'est les tentacules. Si tu étais à un moment de la journée. Oh là là. À tous les moments, je sais pas. Tous les moments de la journée. Je suis pas vraiment ni du matin, ni du soir, ni du midi. Je suis juste de l'instant présent. C'est bien dit. Est-ce que tu es une fille qui se couche tard ou tôt? Eh bien, parfois, je me couche très tôt. Parfois, je me couche très tard. Parfois, je me lève très tôt. Parfois, je me lève très tard. Je n'ai pas d'horaire. J'ai l'impression de vivre comme une hôtesse de l'air. Même avec un enfant? Souvent, je me lève tôt avec l'enfant. Mais ça ne m'empêche pas de me coucher très tard, même si je me lève tôt. Et tu fais une petite sieste au courant de la journée? Oui, dès que j'aurai un petit peu de temps. Je suis fatiguée. J'essaye de me ménager, de faire un peu de fou, une petite sieste, mais si au moment où j'ai quelque chose à faire, je ne me couche pas. Es-tu une fille avec beaucoup d'énergie, malgré le travail? J'ai beaucoup d'énergie, mais en fait, je suis... c'est-à-dire que je vais jusqu'au bout de mon énergie, et à un moment donné, je tombe comme une mouche. On appelle ça se brûler, on se brûle. Oui, c'est un peu ça. Brûle. Ah ouais. Mais comment tu fais pour te relever? C'est quoi? Je dors. Tu dors? Ah oui. OK, tu peux dormir 12 heures, puis tu essaies de... Je débranche. Je débranche. À un moment donné, je débranche. Mais il me faut beaucoup... J'ai de la marge, quoi. Pour débrancher, il faut vraiment que je suis allée au bout, au bout, puis à un moment donné, je fais OK. C'est... Alors, tu as beaucoup quand même à donner, tu as beaucoup en toi, tu es très énergique, très... Ça dépend des moments aussi, je pense. Là, on est vraiment dans une phase, on est juste avant Avignon, excitant. Donc je suis très excitée, ouais. Donc ça, je dors pas beaucoup, mais... Alors, je sais que je suis fatiguée, mais ça me... Ça te stimule. Je suis stimulée parce que je me dis, ah, c'est chouette. Ouais, c'est ça. Et je profite de tous ces moments. Mm-hmm. Si tu étais un autre individu... Un homme? N'importe quel homme? Ah oui, n'importe quel homme, oui. Juste pour savoir comment c'est? Oui. Commencer quand on se balade avec un taux de testostérone. OK, oui, oui. Essaierais-tu de te séduire? Il est au fond, là. Non, je sais pas. Non? Non, ça m'intéresse pas d'être avec quelqu'un qui me ressemble. Enfin, je préfère plus les contraires. On dit que les contraires s'attirent? Oui, c'est peut-être ça. Pas forcément contraire, mais... Je sais pas, parce que j'aime beaucoup le mythe de Platon avec ses hommes et ses femmes qui étaient des boules et que le dieu aurait scindé en deux. Mais en même temps, donc c'est des gens, c'est un peu des moitiés. Mais je pense que dans moitié, ouais, il y a un peu le yin et le yang. J'aime bien des... Pas quelqu'un qui me ressemble. OK. Parce que c'est trop facile de se connaître. Ah, je me fais chier. C'est pas si facile de se connaître, mais en tout cas... Ah, je me fais chier. Ah, oui. Si, à choisir, est-ce que tu ferais le même chemin? À choisir, je pense que je ferais le même chemin, mais en ayant plus confiance. Parce que peut-être que je perdrais moins de temps sur certaines choses, mais même si j'ai perdu du temps, j'ai quand même vécu des moments fabuleux. Mais la confiance, est-ce qu'elle se résorbe aujourd'hui ou si est-ce que tu as plus confiance en toi aujourd'hui? Oui. Oui, j'ai plus confiance en moi. Parce que en fait, à force de monter sur scène, tu vois la réaction des gens, donc peut-être que tu te sens plus valorisée. Oui, ou je me dis que c'est peut-être, je pense que c'est peut-être un métier aussi, quand on apprend. C'est bizarre de dire ça, parce que je pense que quand quelqu'un, il apprend à être architecte, quand il est jeune architecte, ben, il peut-être fait des erreurs, et puis après, il construit des monuments ou des maisons incroyables, et il ne fait pas les mêmes erreurs. Oui, mais en même temps, il y a des écoles, tandis que toi, c'est... Il n'y en a pas, hein? Oui. Il n'y en a pas vraiment. C'est toi qui forges un peu ton école, ton style. Oui, c'est ça. Mais en fait, parfois j'ai l'impression d'avoir erré, mais même dans mes errances, le chemin est beau. OK. Parce qu'on rencontre des gens. Parce qu'aussi, on rencontre des gens qui nous stimulent ou parfois qui nous déplaisent fortement. Mais ça nous... Il y a une réaction qui se passe. Il y a une réaction. Qu'elle soit bonne ou pas bonne, ici, il y a une réaction. Et puis, c'est aussi beau, l'errance. Ah oui, c'est le titre de mon émission. Errance rénaldienne. Ben oui. C'est pour ça que j'utilise ce mot. Peut-être. C'est peut-être. Joli, hein, errance. Oui, errance, oui. Ben, tu as choisi un très joli mot. Ben, errer, c'est marcher sans aucun but. Oui. Puis, tu sais que ce qui se rattache à... Parce que tu as une chanson sur l'Alzheimer, c'est l'errance. Quand les gens souffrent d'Alzheimer, font de l'errance nocturne. Ah oui? Oui. Ouais. Tu veux dire qu'ils ont la... Ben, ils marchent sans savoir où ils vont. Ils n'ont plus de mémoire. Donc, ils marchent. Ils marchent dans les corridors. Ils marchent. Ils montent et descendent des escaliers. C'est là que ces gens-là se blessent et se retrouvent à l'hôpital. Jusqu'à temps que l'errance peut-être se fait dans la tête. Plus dans le corps, puisqu'ils ne peuvent plus marcher. C'est vrai. Et ça se dégrade jusqu'à la mort, ils ne mangent plus. Ça se termine. Je vois bien les signes, justement, mais c'est vrai que je me rappelle des signes d'Alzheimer, comme ça, où au départ, la personne se lève et va quelque part alors que. Ne sachant pas où aller. Ouais. En disant je rentre chez moi. Ouais, ouais, et ça, c'est ouais, beau, ouais, ouais, en ouais. fait, cette phrase, parce ouais, que. Ouais. Mais tu es toi, tu es chez toi, tu es... Et ça, chez soi, pour eux, c'est la maison. C'est un ça. Hôpital ou un institut, ou, c'est pas chez soi. Mais... Chez soi, c'est à l'endroit où on a grandi. Mais est-ce qu'ils se a... souviennent de quelle maison? Est-ce que c'est la maison de petite fille? Normalement, c'est la maison familiale, puisqu'ils ont un souvenir jusqu'à la presque quelques mois avant de mourir. Ils ont une mémoire ancienne. la mémoire récente n'est plus là, mais la mémoire ancienne. Donc, lorsqu'elles elles avaient 5-6 ans, puis souvent, quand tu les rencontres, on peut te comparer si tu es le fils de cette femme-là à... Elle peut te comparer à son frère. Ah, salut Élie ou salut Joseph. Si son frère s'appelle Joseph et qui est décédé, elle va voir à travers toi Joseph, son frère. Je ne le vois que deux fois par an. Il me reçoit dans son appartement. Il me prend souvent entre 5 et 7. Et je sens que ça va être ma fête. Pas la moindre fleur ni attention. Lui, il veut seulement passer à l'action. Cet homme me regarde et me touche, mais il ne s'intéresse jamais à ma bouche. Pour me dire au revoir, il me serre la main et me donne rendez-vous au mois de juin. Il me parle de ma beauté intérieure. Moi je le crois. Il me Tu connais bien ça, toi? Ma mère est décédée de l'Alzheimer il y a un an, il y a quelques jours. J'avais vu sur les réseaux, oui. Ouais. Et j'étais à Paris. Tu étais à Paris, je me rappelle. Ouais. On s'était vu juste avant. Exactement, oui, c'est ça. Donc, l'Alzheimer, tout le monde est touché par l'Alzheimer, de près ou de loin. C'est... Moi, j'ai une personne qui a gardé sa maman jusqu'à la fin parce qu'elle n'avait pas les moyens d'aller dans un hôpital, tout ça. Donc aussi, c'est par amour aussi. Envoyer quelqu'un dans une institution, c'est autre chose. C'est... Alors, je ne sais pas si l'amour, si c'est encore, je pense que c'est par dévotion. Oui, par obligation surtout. Ouais, obligation. Ouais. Mais en fait, c'est quand même incroyable parce que quand sa mère ne se souvient pas du prénom de son fils ou de sa fille, quand sa mère oublie, c'est très compliqué. Oui, mais quand tu parles d'Alzheimer à quelqu'un, et puis que la première chose qu'on te dit, est-ce qu'elle se souvient de toi? Comme ça, c'est important. Il y a tellement eu d'autres choses qui ont ébranlé ça avant d'arriver à ne plus se souvenir de toi, que ça fait... c'est normal. C'est vraiment pas ce qui choque davantage quand quand tu vis avec avec des gens qui souffrent d'Alzheimer. Parce que lorsqu'elle vient te voir puis elle te pose 100 fois la même question, puis elle revient, puis elle te pose la question, puis elle revient. Ça, ça ébranle beaucoup plus que juste le fait de ne plus souvenir du nom de la personne qui. C'est fou. Tu sais, il y a un film assez incroyable qui, je ne sais plus comment il s'appelle, mais c'est une fille qui allait voir son père qui était atteint d'Alzheimer. Et le père disait, qu'est-ce que tu me racontes? Qu'est-ce que je faisais? Elle lui invente à chaque fois une nouvelle vie. Ouais, tu ne te rappelles pas, papa, tu étais chef d'orchestre, tu dirigeais les plus grands. Et après, le lendemain, tu ne te rappelles pas, tu étais militaire, tu as été décoré, tu as eu la médaille d'honneur, etc. Et elle lui invente à chaque fois des tas de vies. Et donc le père, on avait l'impression, on voit une magie. J'ai fait ça. Et puis il va y croire. Ça fait français? Il me semble. J'ai quelqu'un qui connaît le nom de ce film, je lui demanderai. Ah, mais c'est intéressant. Pour les jours qui viennent, c'est vraiment le travail sur scène, c'est l'attente. Est-ce que les billets se vendent? Mais pas encore. Doucement, je suis contente de ça. Mais normalement, c'est le bouche à oreille, hein? C'est le premier spectacle qui va faire en sorte que... Oui, je pense que pour les premiers spectacles, ça va être difficile les premiers jours, mais après, il va y avoir un, je l'espère, moi, on va dire... Effet boule de neige. Peut-être pas. Hein. Peut-être que ça va pas être. Peut-être que les gens vont pas aimer. Je l'espère pas. En fait, ce que j'aime, c'est de me dire j'ai fait du mieux que je pouvais. J'ai fait quelque chose qui me ressemble, où je suis authentique, où ça me ressemble. Et après, est-ce que ça plaira aux gens? Que ça plaise ou non, finalement, je suis allée au bout d'une aventure, au bout d'une expression, et que je n'ai pas de regrets. Et après, ça fonctionne pas. C'est on comme ça. Autre chose. Oui, et puis on fera autre chose. Puis c'est une école en soi, tu sais. Mais le bouche à oreille, je te dis, c'est très important là-bas. Hein. As-tu vu le spectacle de Marjolaine? Puis, écoute, c'est ce soir. Hein, les gens aussi qui sont là, qui vont voir plusieurs spectacles, c'est très curieux. Hein, les gens qui vont là pour voir, pour. Pour voir les... Pour aller au théâtre, pour aller voir des spectacles, pour... Je regarde ce que j'ai mis sur muet. J'espère que... Ah non, c'est bon. J'ai eu très peur, en fait, d'avoir... OK, t'attends un appel? Non, si jamais... J'avais mon petit qui allait à un anniversaire, et donc si jamais vous avez besoin d'un renseignement, il fallait que je m'appelle. OK. Mais en tout cas, là, c'est ça, tu travailles là-dessus, et tu t'en vas lundi. Donc, il y a la frénésie. Oui, là, ça va... Ça va être épuisant, éreintant, mais excitant. Et enrichissant. Que des E, ça termine en E, commençant E, ça termine en A. Ben oui, en A, ben oui. Ben c'est excellent. merci d'être passé à mon émission. Et on va continuer à diffuser parce que tu as vraiment, comme je le disais, un univers extraordinaire. C'est des chansons qui sont des histoires en soi, des films, on parlait de cinéma, des films. Et toi, cette chanson sur Alzheimer, tu l'avais connue quand tu m'avais interviewé l'année dernière? Tu la connaissais, cette chanson? Je la connaissais pas, je l'ai connue sur l'album en la diffusant. En la diffusant. Ouais. Donc, tu as dû être sacrément touchée ou même... Parce que c'est une chanson qui dérange. Moi, je sais qu'il y a des personnes qui m'ont dit « j'ai du mal avec cette chanson » parce que c'est trop... Le fil est ténu. Hein. Mais c'est pris... Ça dépend comment tu prends le sujet. C'est pris par un côté que je trouve littéraire et accessible et différent. Différent. Oui. C'est pas... Moi, ça m'arrache pas les larmes. Ça m'interpelle. Elle est mélodique aussi, donc la mélodie est très importante. C'est une mélodie de Vincent Baguian. Exactement, oui. Mais sur l'album, c'est un tout. C'est la musique, c'est les mots. Et c'est ta voix aussi, la voix qui amène un sujet qui est très épineux, mais qui ne l'est pas grâce à tes mots. Et ça, tu désacralises un peu le mystère de l'Alzheimer. J'ai essayé de rendre compte de ce que j'avais vécu quand je chantais dans la maison de retraite, où cette femme que je côtoyais beaucoup au quotidien et qui avait toujours sa maman à la maison. Donc j'ai vécu ça parce que j'étais gardée par cette femme. Okay. Donc elle gardait des enfants et elle gardait sa mère à la maison. Alors la maison était entourée de mystères de l'Alzheimer et toi tu côtoyais tout ça. Oui, et quand on est petit, On est au départ, on rigole parce qu'on dit « Ben non, tu habites là. » Ben oui, c'est ça, oui, oui, oui. On s'imagine qu'elle est gaga un peu. Voilà. Et après, quand elle le redit, on se dit non, je t'ai déjà dit. Et qu'elle redit, je rentre à la maison. Et là, on comprend la tristesse et on dit, mais non, tu habites là, il faut que tu me crois. Ouais. Et puis, on voit ça au départ avec beaucoup de. On trouve ça drôle parce qu'elle oublie, mais non, tu te rappelles que je m'appelle comme ça. Et après, on comprend que la tristesse de la dame, de la détresse, situation. La détresse. C'est ouais c'est puis surtout on dit souvent que lorsqu'on répète ne jamais hausser la voix, ne jamais se fâcher, rester calme, c'est un travail de moine. C'est un travail de moine. Et ta chanson amène tout ça parce que la mélodie est très c'est une valse. Ouais, c'est ça exactement. Tout amène les mots. Et ça fait vraiment pas une chanson sombre et lugubre. Ça fait au contraire une chanson qui s'intéresse au sujet et qui fait miroiter des images. Et c'est ça l'intérêt aussi. Tu sais, Renald, tu parles vraiment beaucoup mieux que moi. Ben non. Tu devrais faire des... Oui. Non, mais j'aime la musique, j'aime les mots. j'aime les artistes, donc c'est pour ça que je suis ici et que je te rencontre pour la deuxième fois. Et imagine que ces chansons-là sont diffusées à Québec, mais j'ai d'autres émissions sur d'autres radios dans le nord du Québec. Oui. Tu sais que j'aimerais bien venir... Peut-être pas dans le nord du nord, là, parce que tu risques d'avoir très froid, parce que c'est l'hiver à peu près 8 mois par année. Mais si on est bien couvert, ça devrait aller. Oui, on est, oui, c'est ça. On est très bien couvert, il faut rester couvert, oui. Mais à souhaiter que tout aille bien, que tout se passe bien pour toi là-bas, à Avignon, et que la vie nous amène dans les circuits. De toute façon, c'est que du bon. Je suis très optimiste parce que je suis contente de mon spectacle. Je suis contente de mon équipe. Oui, c'est ça, t'es bien entouré. C'est ça qui est important, oui. Il faut le dire. Quand tu te sens bien entouré, c'est comme un cocon. Hein. Oui, le musicien est non seulement c'est un bon musicien, mais en plus, il est très positif, il est drôle et c'est un bon vivant. Donc, c'est super de vivre comme ça, des vies de tournée. Mathilde Masson, à la diffusion, elle est drôle, elle est pétillante. Elle n'hésite pas à me dire « Ah, mais là, je pense pas qu'on devrait faire ça. » Elle réfléchit avec moi aussi sur... Ce qui est bien, c'est que chacun amène sa couleur. Oui. Mm. Et puis là, je vais être, à partir d'Avignon, je vais être soutenue par une production qui s'appelle 709 Prod avec Christophe Boisseau, qui me fait entrer dans son catalogue d'artistes. Oh, c'est intéressant. Hein. Donc, il y a Lily Crow et Thierry Chazelle, il y a Marion Rouxin, il y a d'autres artistes. Donc, je suis avec, il y a aussi Gabriel Seglio et les VIP. Oui. Donc voilà, je rentre dans ce catalogue-là. Et là, c'est encore beaucoup plus de travail éventuellement. Dans un catalogue, tu vas pouvoir servir davantage. Les gens vont travailler pour toi, donc... Donc à moi de faire un bon spectacle. Maintenant, ouais. C'est le spectacle, je le mets sur les rails, à moi de faire mes preuves. Oui, mais comme tu es bien entouré, ça ne peut pas ne... Hein, ça va aller... Non? Ça va bien se passer, ça ne peut pas ne pas bien se passer. On va voir, ça serait bien. Ben, comme on dit au théâtre, merde. Hein? Hein, merde. Puis merci d'être passé encore. Merci à toi, ça me fait plaisir. Vraiment, puis d'avoir ton accent là, sous la canicule parisienne, ça me fait très plaisir. Ah ben écoute, là, si ça peut amener un peu de fraîcheur du Nord. Ah voilà, exactement. Ouais, quand tu me parlais du Nord, j'ai dit au moins le froid là, ça, j'ai bien envie d'un peu de froid parce que c'est la folie là. Oui, très chaud. Mais c'est l'été, il faut en profiter. Mais merci. Merci à toi. Tourlou, à la voyure. Est-ce que je peux prendre des photos comme d'hab? Bien sûr. Ok, excellent. Je vais regarder, est-ce que je suis... Oui. Je suis pas trop fatiguée. Non. Parce que j'étais tellement... Ben voyons. Je... Ben c'est normal, si tu dors pas la nuit... Regarde mon musicien. Oui. Il m'envoie cette photo-là. Parce que je suis tata depuis pas longtemps. Oui. Alors, mon musicien. Voilà. Ah oui, ok. Il est en bonnet, oui. En gros pull, en polaire. Est-ce que c'est lui qui sera à Avignon? Oui. Ok. Et donc, quand il m'envoie ça, j'ai fait... Il faut absolument... Et lui, c'est ce qu'il fait comme son plaisir, c'est d'être sur... Le bateau, sur... oui. Ça, ah, ouais. Il adore ça. Donc, dès qu'il a un peu de temps, il part. Et donc, je lui dis, Quentin, je veux que tu viennes sur scène. Avec ta tuque? Avec un bonnet, avec des moufles, okay. Avec une écharpe. Oh. Tu donnes à un spectateur. À chaque fois? Oui. 21 bonnets, 21... Oui, mais il entre sur scène, il l'enlève tout de suite. Oui, mais parce que c'est onéreux. Ah non! OK, la personne va lui remettre. Oui, après. OK, c'est une entente. Tu me tiens ça, ou alors parce que... OK, ah oui, tu lui dis avant. Où il n'y aura peut-être pas forcément 70 spectateurs. Donc, s'il y en a 69, sur le siège vide, il met son bonnet, son écharpe, etc. Oui, OK, je comprends. Oui. Mais de voir... C'est-à-dire que les gens, ils vont tous être là. Oui, avec leur... L'éventail. Ils exactement. Vont arriver sur la scène. Alors, c'est climatisé, mais il fait quand même un chaud dans un... Oui. Ils vont tous être comme ça. Et là, ils vont voir le... Avec la tuque. Ouais, c'est sur le bonnet. Oui, etc. Ouais. Mais non, mais c'est ça le gag. En fait, toi, ce que tu veux, c'est d'amener beaucoup, beaucoup d'humour. D'humour, oui. Ben, c'est bien. Mais parce que j'adore. Ben oui, c'est de surprendre, hein? Les gens vont dire, ouais, ben là, c'est décalé, on risque d'aller très loin. C'est ça. C'est bien, ça. C'est bien, c'est excellent. Mais j'aime bien ça. Ben oui. Je sais pas s'il va... Là, je lui ai dit, dis-moi oui. J'ai dit, il faut que tu viennes avec certain, ça. C'est pas certain. Bah. Et après, il va me dire, écoute, Marjolaine, quand même, tes idées... Parce qu'au départ, j'avais des idées où il m'a dit, ah ouais, c'est intéressant. Et parfois, il fait, non, là, quand même. Non, il faut peut-être, oui, en enlever un peu, hein. Faut en enlever un peu. Alors, attends, est-ce que je suis... Oui. Ça va? Oui. Non, c'est bon, les cheveux, c'est bien, voyons. Tu veux qu'on se mette comment, debout? Non, comme d'habitude. Moi, à genoux, puis toi, c'est ça. Vos fesses qui s'empilent, vos souffles qui s'enfilent, vos dents qui s'entrechoquent et vos doigts qui s'enveloppent. Et moi qui voudrais seulement une main, celle d'un homme, d'une femme ou de quelqu'un. Et moi qui voudrais seulement une main, celle d'un homme, d'une femme ou de quelqu'un. Vos tailles qui s'entêtent, vos cuisses qui s'envolent, vos cils qui s'encollent, vos dos qui s'engloutissent, vos pieds qui s'engourdissent. Et moi qui voudrais seulement une main, celle d'un homme, d'une femme ou de quelqu'un. Et moi qui voudrais seulement une main, celle d'un homme, d'une femme ou de quelqu'un. S'empoignent, vos sexes qui s'emboîtent, vos reins qui s'entortillent, vos joues qui s'émoustillent, vos têtes qui s'enflamment, vos corps qui s'encanaillent, vos coups qui s'emprisonnent et vos culs qui s'endorment. Et moi qui voudrais seulement une main, celle d'un homme, d'une femme ou de quelqu'un. Et moi qui voudrais seulement une main, voudrais seulement une main pour passer sur mes reins. Et moi qui voudrais seulement une main, celle d'un homme, d'une femme, de quelqu'un. Et moi pour ne pas perdre la main, je regarde s'aimer mes voisins. Et moi qui voudrais sortir avec quelqu'un, demain, je m'achète un chien. Chers amis, si je vous ai bien compris, vous êtes en train de dire à la prochaine fois, à la prochaine fois, à la prochaine fois, à la prochaine fois, à la prochaine fois.